Dans ton espoir se prépare un miracle. De ton ventre sort un rêve intact. Un instant qu'on espère d'une femme. Deviens une mère. On a tous des envies de grandir, d'être quelqu'un, de vivre la lumière, la lumière. Dans ton envie se transforme une fille, un enfant devient l'être vivant. Qui nous prend d'un homme devient.